Bonjour à tous. Je m'appelle Jacqueline Rousseau et je suis enseignante en univers social depuis 1997. Citoyenne du monde, mais aussi maman, je me questionne sur les problèmes planétaires auxquels nos jeunes devront faire face. Pollution, accroissement démographique, sécurité alimentaire et bien d'autres. Je considère que j'ai la responsabilité de sensibiliser mes élèves à ces réalités, mais aussi de construire du matériel pédagogique pour compléter le programme de formation. Je vous invite à consulter ce site ainsi que ses liens pour vous parer à un avenir dont vous aurez le contrôle. Bonne lecture!